Ici, votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, au microphone de Danny Veilleux. Hier, aux Jeux olympiques de Rio, Antoine Bouchard a passé très très proche de remporter une médaille de bronze. Le judoka natif de Ville-Saguenay s'est incliné en finale du B contre le japonais Masashi Ibunama. Bouchard avait vaincu auparavant le russe Mikhail Poulalev, qui a été médaillé d'argent au dernier championnat. Il a également battu en huitième de finale le Marocain Imad Bazou. Donc, bravo quand même à Antoine Bouchard qui termine cinquième aux Jeux olympiques de Rio. Les voyageurs de Ville-Saguenay se sont inclinés en quatre matchs lors de la série qui les opposait aux Aigles de Trois-Rivières. Vendredi soir, les voyageurs ont été éliminés. Ils ont perdu 13-7. Jacob Thériault a été le lanceur perdant. Maintenant, on va vous parler de soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient. Ça achève d'ailleurs la Ligue de soccer. On est à la dernière semaine d'activité dans cette Ligue de soccer, évidemment, avec le retour en classe qui va se faire très très bientôt. Les Ligues de soccer achèvent leurs activités. Mais il y avait quand même des matchs hier à Saint-Félicien, entre autres. Victoire du FC de Robertval 6-1 sur le Boréal d'Allemagne. Le match qui se déroulait à Saint-Félicien. C'était en senior masculin et en catégorie U14 maintenant, division 1, victoire très facile du FC Maniocan 7-0 sur le FC 2 de Saint-Félicien. Et le match du 25 août qui va opposer les Cataractes de Shawinigan au Saguenay de Chicoutimi au centre sportif Benoît Lévesque de Robertval va se faire à guichet fermé. Le président du hockey mineur, Hugo Maté, a mentionné qu'il avait déjà écoulé tous les billets qui étaient disponibles. Il y a même une liste d'attente qui a été faite au cas où il y aurait des gens qui se désisteraient pour la rencontre. Donc, c'est vraiment un succès sur toute la ligne. Le sport local et régional, adamradiosport.com. On s'en occupe.